Ça, c'était en 1972, bien des années plus tard, le grand Andrew, le patron des Sisters, reprend ce morceau et faites gaffe, ça va remplir vos 5 prochaines minutes. We'll be right back. children, it's just a kiss away, kiss away, kiss away. Je mettrai un billet sur le fait que si quelques puristes des Stones viennent d'écouter cette reprise, ils vont dire que les Sisters, la bande à Andrew, viennent de dénaturer le Gimme Shelter. Perso, je trouve plutôt qu'ils l'ont sublimé. « 17 Seconds » en 4 minutes, c'est ça les cures, mais les cures, c'est aussi des intros miraculeuses. Tiens, un petit jeu que je vous propose, j'enchaîne des intros des cures, vous devez retrouver les titres. Allez, c'est parti. Et oui, c'était le fabuleux Charlotte Times. Allez, on continue. Ok, c'était pas leur titre le plus connu, c'était A Night Like This. Le suivant, c'est beaucoup plus facile. Bravo, je suis certain que vous aviez reconnu le fabuleux Boys Don't Cry. Encore ? Ok. « 100 Years », c'était il y a 100 ans. Eh non, c'était juste hier. C'est sombre, mais parfois le Bob, il est un petit peu plus joyeux, comme pour cette intro. Et oui, c'était Love Cats, mais on continue et on revient dans le plus sombre. Trouverez-vous. Ouais, c'est long et c'est bon, c'est A Forest en version acoustique. Putain, ça c'est de l'intro. Incroyable, je n'avais jamais remarqué presque une minute d'intro pour cette version acoustique. Allez, une petite dernière pour terminer. Peut-être pas leur morceau le plus connu, pas l'album le meilleur, ça s'appelle Love Song. Allez, on reprend le fil de notre pop and rock, mais j'aurais pu ajouter d'autres intros comme celle de 10-15 Saturday Night ou encore celle de The Walk. Allez, on reprend. Hé hé, pas mal non plus cette intro, le programmateur. Yeah! Je vous dis, ce soir, on fait dans la carte gold, dans le oldies but goldies, dans le bust, quoi. Touché par la grâce. Du Billy au Mick en passant par l'Andrew, le Robert ou encore le Bon Scott, c'est sûr, ils l'ont été. Mais les petits genoux de Children of the Sun aussi, voici la preuve avec leur In Silva. Watch the waves play their game. May tomorrow come. May tomorrow come. Going home down the ocean. Watch the tomorrow never came. 104.6 de RVR, Sororoine et son bassin et sa région, vous écoutez Pop and Rock. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos émissions, tous nos artistes préférés, sur la page Facebook de Pop and Rock sur RVR. Thank you. tenter de survivre aux 6 minutes de One More Step des Church of the Cosmic Skulls. Ouais, vous méritez donc une récompense. Ouais, parce que c'est sûr, on mérite une récompense de t'écouter, de te supporter. Ça suffit, la voix off. Je suis sûr que vous reprendrez bien une petite dose du Billy Corgan. I'll never need. Smashing, leur grâce, c'était surtout dans les années 90, mais perso, les années 80, comment dire ? C'est là que la grâce m'a touché, notamment avec Cure, Tears for Fears et autres Depeche Mode, mais aussi grâce au danseur fleuri grand breton, le Morrissey, personnage peu recommandable, sauf lorsqu'il se consacre à la seule belle chose qu'il sait faire avec les Smiths. Joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know my Joan of Arc. Vous êtes bien calé au 104.6 de RVR et vous écoutez Pop & Rock, surtout ne bougez pas. We'll be right back. Encore plus vieux, il y avait la banane de Joe Strummer ou encore celle de Brian Setzer et de ses Stray Cats. Pas de tristesse, il est l'heure de nous quitter. On va le faire avec le Bob Mould, le barbu chauve père du rock grunge. Il referme la porte qui s'ouvrira à nouveau lundi prochain à 17h sur le 104.6. Et en attendant, bis à tous.